bien et pas le temps de parler pour rien dire. Laisse-les croire qu'ils vont tous se battre, j'ai un empire. La vie ici ça peut parfois être un enfer. Il faut que je me range, que je mange de l'argent plein avant de prendre au minimum un enfer. J'aiguise le verbe, raconte ma vie en vert, en prose. Depuis que sur moi le rap a une emprise. Vois ma petite entreprise a toujours connu la crise. Je me suis souvent dit que ça craint, c'est pas une idylle. Elle te rappelle ta condition comme tes constances, un sac Lidl. Parti de rien avec seulement des rimes comme bagage. Un stage où il faut que la vie me paye en cash. Si ton gosse achète pas mon skate, j'ai bien peur de finir par lui vendre de la cam. J'ai des mots pour armes et mon langage tire un propos engagé. C'est surtout pour ceux qu'une vie précaire a enragé. Ceux qui refusent qu'on les dirige, ceux qui érigent des plans faramineux. Ou plus communément ceux qui coupent la cesse, ce sucre ou à la farine. Ouais ouais c'est l'île, entre la gile et les gens fous alliés. Les grosses touilles à défourailler. Arrête de te foutre de nous dire que cette ville est chic, elle sent le shit. Et sale chatte et lâche nous, j'ouvre par toi-même. C'est pas une vie ici, c'est un toilette. Tu me vois moi avec un casier, devenir caissier ou un travelot de barman. Il faut qu'on se barre man. Souvent je rêve des îles comme la Barbade. J'ai fait du manque de chance, des chansons barbares. Ne parle pas de barbales. Dans ce texte tout est nuancé. Pour être plus clair, je veux dire que j'ai rien d'un New-Yorkais. Parti de rien, j'ai un projet à mener à bien. Et pas le temps de parler pour rien dire. Laisse-les croire qu'ils vont tous se battre, j'ai un empire. La vie ici ça peut parfois être un enfer. Il faut que je me range, que je mange de l'argent plein avant de prendre au minimum un enfer. J'aiguise le verbe, raconte ma vie en vert, en prose. Depuis que sur moi le rap a une emprise. Vois ma petite entreprise a toujours connu la crise. Je me suis souvent dit que ça craint, c'est pas une idylle. Elle te rappelle ta condition comme tes constances, un sac Lidl. À croire t'entends, nos avenirs sabotés. C'était prémédité depuis les premières dictées. Tu peux garder tes dictons, tes bonnes manières et les candires à ton. Je conduis des rimes sur des temps. Si tu kiffes, tu bouges la tête et ça détend. Un texte de plus qui détonne, c'est juste un parmi des tonnes. Tu veux le reste, écoute l'album. On va leur mettre dans le boule puisqu'ils sont pas d'accord. Ben ouais, on n'est pas content. On n'a pas ton temps, je parle en comptant. Les euros et nous les faux contents. Mais son, c'est pas pour que les condenses. Peu importe ce que t'en penses, je vois bien dans les yeux de certains qu'ils en pèsent. Pas pour moi, mais pour mes onces. C'est la zig de l'amertume, le propos des jeunes qui grandissent dans l'errance. Parti de rien, tu t'en souviens, y'a aucune rose qui pousse parmi les ronces. Comme si avec le temps j'allais devenir un de ces moutons dans le rang. Moi j'ai grandi avec rien ou pas grand chose. À la maison de l'argent y'en avait seulement pour grailler. Pas pour les marques ou les sorties entre potes. C'était pour les gosses de riches et les argents de poche. Parti de rien, j'ai un projet à mener à bien. Et pas le temps de parler pour rien dire. Laisse-les croire qu'ils vont tous se battre, j'ai un empire. La vie ici ça peut parfois être un enfer. Il faut que je me range, que je mange de l'argent plein avant de prendre au minimum un enfer. J'aiguise le verbe, raconte ma vie en vert, en prose. Depuis que sur moi le rap a une emprise. Vois ma petite entreprise a toujours connu la crise. Je me suis souvent dit que ça craint, c'est pas une idylle. Elle te rappelle ta condition comme tes constances, un sac Lidl. Y'avait aussi ceux qui faisaient des arrachages de sacs et de sacoches. Ben ouais c'est ça comme, à ce qu'on peut on s'accroche. Y'avait aussi beaucoup d'alcool, ceux qui transforment de grands hommes en pauvres cloches. Tu te sens mal, comme si Rabat avait mis une grosse cassasse en cloque. Comme un gars qui te braque son globe, ou un expulsé qui dort dans l'entrée de son bloc. Parti de rien, j'écris ça pour que ça y participe. Parce que parfois je me dis que la réussite ne sera qu'une partie remise. Et que de gré ou de force, je finirai bien par l'écarter, c'est qui. C'est DNE si tu cherches à savoir c'est qui. Je débite et je vais entendre les plus sceptiques nous dire yes man. Parce que si la vie est chère, je vais la payer en yes car. C'est vrai dans la zone, on rêve tous de la quitter dans une grosse caisse car. Avant de finir abattu comme Khaled Kelkal. Alors je tique le tout sur des caisses claires pour qu'ils sentent que ça claque même quand c'est calme. Parti de rien, c'est conséquent, bien plus attaché aux codes qu'aux conséquences. Un mix de haine et d'amertume à chaque séquence. Pour faire des saumons, un crime sanglant, j'opère sans gants. Parti de rien, j'ai un projet à mener à bien. Et pas le temps de parler pour rien dire. Laisse-les croire qu'ils vont tous se battre, j'ai un empire. La vie ici ça peut parfois être un enfer. Il faut que je me range, que je mange de l'argent plein avant de prendre au minimum un enfer. J'aiguise le verbe, raconte ma vie en vert, en prose. Depuis que sur moi le rap a une emprise. Vois ma petite entreprise a toujours connu la crise. Je me suis souvent dit que ça craint, c'est pas une idylle. Elle te rappelle ta condition comme tes constances, un sac Lidl.